Chapitre 2e. Un soir, après que nous eûmes franchi le Mississippi, nous nous arrêtâmes pour la nuit auprès de la rivière Cedar. Les cotonniers des rives nous fournissaient du chauffage pour toute la nuit. En revenant de l'endroit où l'on procéda leur abattage, je vis de loin nos hommes qui, profitant de la tiède et douce soirée, s'étaient disséminés de côté et d'autre dans la prairie. Il n'était pas encore très tard. Nous nous disposions d'ordinaire pour la nuit vers 5 heures du soir, afin de pouvoir nous remettre en route dès l'aube. Tout à coup, j'aperçus Miss Morris. Je descendis aussitôt de mon cheval, que je pris par la bride, et je m'approchai d'elle, heureux de pouvoir passer un instant en tête à tête avec la jeune fille. Je la questionnai sur les motifs qui avaient pu la forcer, elle, si jeune, à entreprendre un voyage aussi difficile, même pour l'homme le plus fort. « Je n'aurais jamais consenti, ajoutai-je, à vous accepter parmi les voyageurs, si je n'avais cru que vous étiez une parente de tante Atkins. Quand je me suis aperçu de mon erreur, il était trop tard pour la réparer. Aurez-vous assez de force, ma chère enfant? Soyez prête à tout. La route à faire pourrait se trouver moins facile que celle déjà faite. » Elle tourna vers moi ses yeux bleus et mélancoliques. « Je le sais, sœur, dit-elle, mais je dois faire ce voyage et... je suis bien aise qu'il soit trop tard pour moi de rebrousser chemin. Mon père est en Californie. Une lettre qu'il m'a adressée par le Cap Horn m'a appris qu'il est depuis plusieurs mois terrassé par la fièvre à Sacramento. Pauvre père, il était habitué au confort, et c'est pour moi seul qu'il est allé en Californie. Je ne sais si je le trouverai encore en vie, mais je sens que mon devoir est d'aller le rejoindre. » Je n'avais rien à objecter à ces paroles. Tout ce que j'aurais pu y contredire eût été parfaitement inutile. Je me mis donc à questionner Liliane sur son père, et j'appris que Master Morris avait été judge of the Supreme Court à Boston. Il avait perdu sa fortune et était parti en chercher une autre dans les placeurs de Californie afin de pouvoir rendre à sa fille son ancienne situation. Mais tombé malade dans la plaine malsaine de Sacramento et sentant venir la mort, il avait envoyé à Liliane sa dernière bénédiction. La jeune fille, ayant donc réuni ce qui lui restait, avait résolu d'aller le retrouver. Tout d'abord, elle avait eu l'intention de voyager par mer, mais la rencontre fortuite de Mrs. Atkins, 2 jours avant le départ de cette caravane, avait modifié sa résolution. Mrs. Atkins, originaire du Tennessee, avait souvent entendu mes compagnons des bords du Mississippi conter mes aventures audacieuses dans le fameux Arkansas, ainsi que vanter mon expérience du désert, les soins dont j'entourais les faibles, ce que d'ailleurs je considérais comme un devoir, et elle m'avait présenté Liliane sous un jour si favorable que celle-ci, sans plus de réflexion, s'était jointe à notre caravane. C'est à ces récits exagérés de tante Atkins, qui n'avait pas manqué non plus l'occasion de lui dire que j'étais un knight, une sorte de chevalier, que je devais attribuer l'attention dont m'honorait Miss Morris. « Cher enfant, lui dis-je quand elle eut fini de parler. Soyez certaine que personne ne se permettra de vous causer le moindre désagrément. En ce qui concerne votre père, je dois vous dire que la Californie est la contrée la plus saine du monde et que personne n'y meurt de la fièvre du pays. Quoi qu'il en soit, tant que je vivrai, vous ne serez pas seul et en attendant, que Dieu vous bénisse. » « Je vous remercie, capitaine, répondit-elle avec émotion. » Nous continuâmes à marcher. Mon cœur battait de plus en plus fort. Notre conversation devint plus enjouée sans que l'un de nous se doutât que bientôt le ciel serein allait se voiler d'un nuage. « Il va sans dire que tout le monde ici est bon pour vous, Miss Morris, » demandai-je, sans penser que cette question pourrait donner motif à un malentendu. « Oh, certes, » répondit-elle, « tous, et tante Atkins, et Mrs. Grosvenor, et Henry Simpson, qui est aussi très bon. » À ce dernier nom, je tressaillis comme sous la morsure d'un serpent. « Henry n'est qu'un charretier, il n'a qu'à surveiller son attelage, » répondis-je d'un ton sec. Mais Liliane, tout à ses pensées, ne remarqua point le changement de ma voix et continua. « Il a bon cœur et je lui serai toujours reconnaissante. « Miss, » interrompis-je, froissé. « Vous pouvez même lui accorder votre main. Il me semble seulement étrange que vous m'ayez choisi comme le confident de vos secrets. » À ces mots, elle me regarda avec surprise, mais sans rien dire, et nous poursuivîmes notre route dans un silence pénible. Je ne savais que lui dire. Mon cœur était plein d'amertume contre elle et contre moi-même. Je me sentais tout humilié de ma jalousie à l'égard de Henry, mais je ne pouvais la maîtriser. La situation était si tendue que je finis par dire à Liliane un bonsoir sec et court. « Bonsoir, » dit-elle avec douceur et en se détournant pour cacher ses larmes. J'en montai à cheval et me dirigeai au galop vers l'endroit d'où partait le bruit des haches et où, avec les autres, Henry Simpson abattait des cotonniers. Mais un instant après, une rage me saisit, comme si les larmes de la jeune fille m'étaient tombées droit dans le cœur. Je tournai bride, et en un clin d'œil, je fus de nouveau près d'elle. « Pourquoi pleurez-vous, Liliane ?» lui demandai-je en sautant à terre et en lui barrant la route. « Oh, sœur !» murmura-t-elle. « Je sais que vous êtes de famille noble. Mrs. Atkins me l'a dit. Mais vous étiez si bon pour moi. » Elle faisait tous ses efforts pour réprimer des sanglots, mais elle ne put achever. Les larmes l'étouffaient. La pauvrette se sentait atrocement blessée par mes paroles. Elle y voyait une sorte de dédain aristocratique, tandis que moi j'en étais à 100 lieues. J'étais tout simplement jaloux. À présent, à la vue de ses larmes, j'avais grande envie de me prendre au collet et de m'administrer une volée. « Liliane, Liliane !» m'écriai-je vivement en lui prenant la main. « Vous ne m'avez pas compris. Je vous jure que ce n'est pas l'orgueil qui parlait en moi. Voyez, je ne possède rien d'autre que ces deux bras. Que me font mes aïeux ?» Un autre sentiment avait oppressé mon cœur, et je voulais m'en aller. Mais je n'ai pu voir couler vos larmes. Je vous jure que mes paroles ont été plus humiliantes pour moi que pour vous. Vous ne m'êtes pas étrangère, Liliane, oh non. Autrement, ce que vous pouviez dire de Henry m'importerait peu. C'est un bon garçon. D'ailleurs, il ne s'agit pas de cela. Mais voyez comme vos larmes sont chères. Pardonnez-moi donc avec autant de franchise que j'en mets à vous le demander. Je lui pris la main et la portai à mes lèvres, ce qui, avec l'accent sincère de mes paroles, rassura un peu la pauvre enfant. Elle n'avait pas cessé de pleurer, seulement c'était d'autres larmes parmi lesquelles, comme un rayon à travers les nuages, perçait un sourire. De même, ma gorge se contracta, l'émotion m'envahit, mon cœur s'imprégna d'une sensation délicieuse. Nous marchâmes silencieux, mais ce silence était également tout autre. Le jour baissait. La soirée était splendide. Dans l'air assombri, il y avait encore assez de lumière pour que, dans le lointain, la prairie, le massif des cotonniers, les chariots et les bandes d'oies sauvages se dirigeant vers le nord, tout sembla comme teinté d'or et de pourpre. Aucun souffle n'agitait l'herbe. Le fracas des chutes d'eau de la rivière Cédar parvenait amorti et mêlé au hennissement de nos chevaux. Cette soirée triomphale, cette contrée vierge, la présence de Liliane, tout cela donnait l'essor à mon âme comme si elle voulait s'envoler vers les cieux. Je m'imaginais être une cloche vibrante. Parfois, j'avais le désir de prendre encore la main de Liliane et d'y appuyer longuement mes lèvres, mais je craignais de l'offenser. Elle marchait toujours à mes côtés, calme, aimable et rêveuse. Ses larmes m'avaient séché, et de temps à autre, elle levait les yeux vers moi. Cependant, notre conversation reprit, et tout en causant ainsi, nous rejoignîmes le convoi. Cette journée, pour moi si riche en sensations, se termina gaiement. Mes compagnons, ravis de ce beau temps, décidèrent d'organiser une sauterie en plein air. Vers 7 heures, au lieu de souper comme à l'ordinaire, on alluma un unique et immense brasier autour duquel on devait danser. À cette intention, Henry Simpson faucha l'herbe sur plusieurs mètres carrés et recouvrit cette aire de sable du cédar. Devant les spectateurs formés en cercle, la gigue commença, accompagnée par des flûtes nègres et les cris de l'assistance. Les bras appliqués le long du corps, les danseurs agitaient si rapidement leurs jambes, en faisant claquer tantôt les talons, tantôt les doigts, qu'il était difficile de suivre leurs mouvements. Les instruments nègres en faisaient rage. Les danseurs devenaient de plus en plus nombreux, et bientôt l'entrain devint général. Des spectateurs s'étaient joints aux nègres et remplaçaient les tambours par des cuvettes d'étain apportées en vue de laver la terre aurifère. Mais voici que les assistants resserrent leur cercle et nos nègres Jim et Crow s'avancent au centre. Le premier tient un tambourin tendu de peau de serpent, l'autre des castagnettes improvisées, 2 côtes de bœuf. Ils se regardent un instant, le blanc des yeux luisant, puis entonnent une chanson nègre, tantôt mélancolique, tantôt heurtée. La finale prolongée, « Dina, ah, ah » de chaque strophe, est suivie d'un cri perçant, presque un rugissement de fauve. À mesure que les danseurs s'animent, leurs mouvements deviennent plus désordonnés. ils finissent par se cogner tête contre tête avec une violence dont certainement un crâne européen serait brisé comme une coquille de noix. Les silhouettes noires, éclairées par la lueur rougeâtre du brasier, s'agitent dans un mouvement sauvage, offrent un spectacle fantastique. À leur cri, au son du tambourin, à la note aiguë des flûtes, se mêlent les acclamations des assistants. « Hurrah for Jim! Hurrah for Crow !» Le tout accompagné de coups de revolver. Lorsqu'enfin les Noirs tombent à terre, harassés, je leur fais donner une gorgée de brandy, ce qui les remet aussitôt sur pied. Les émigrants me demandèrent alors de prononcer un speech. La musique et le tapage cessèrent instantanément. Il me fallut quitter la main de Liliane et monter sur le siège d'un chariot. Lorsque, de cette tribune improvisée, je jetai un coup d'œil sur ces silhouettes vigoureuses, hautes de taille, barbues, le couteau à la ceinture, illuminées par la flamme, je me crus soit sur la scène d'un théâtre, soit un vrai chef de bandit. En réalité, c'étaient des cœurs peut-être durs, mais honnêtes. L'existence de certains avait peut-être été passablement sauvage, mais non criminelle. Un petit monde s'était formé ici, un monde isolé du reste de l'humanité, groupés pour chercher de concert la fortune et braver l'infortune. Une main y devait secourir l'autre. Chacun y était le frère de tous les autres, en même temps que les déserts environnants et les savanes infinies forçaient à s'aimer ces durs aventuriers. Tout cela, ainsi que la vue de Liliane, enfant sans défense, aussi tranquille et insouciante parmi eux que sous le toit paternel, servit mon inspiration. Je dis ce que je sentais, comme doit parler le chef qui est aussi le camarade, le compagnon à ses compagnons. Des applaudissements et des « Hurrah for the Pole !» « Hurrah pour le Polonais !»« Hurrah for the Captain !»« Hurrah for Big Ralph !» interrompaient à tout instant mon discours. Mais ce qui me rendait le plus heureux, c'est que parmi les mains hâlées et puissantes qui m'applaudissaient, je voyais une paire de petites mains colorées de rose par la clarté du feu. Le sang me monta à la tête. « Que m'importe le désert, les fauves, les indiens et les outlaws ? » m'écriai-je avec enthousiasme. « Je suis prêt à tout. Je briserai tous ceux qui voudraient me barrer la route. Je conduirai la caravane jusqu'au bout du monde et que mon bras droit se dessèche, si cela n'est pas. » Un hurrah plus formidable encore accueillit ces paroles et tous se mirent à chanter le chant des émigrants « I crossed Mississippi, I shall cross Missouri. » Smith, un mineur de Pennsylvanie, me succéda. Il me remercia au nom de toute la caravane et loua mon talent d'organisateur. Après Smith, on put voir un orateur presque sur chaque chariot. Certains disaient des choses très consolantes, tel Henry Simpson, qui à maintes reprises entrecoupait ses paroles d'un « Gentlemen, qu'on me pende si je mens ». Quand les orateurs se furent suffisamment enroués, les flûtes, les castagnettes reprirent leur tintamarre infernal et la gigue recommença. Cependant la nuit s'était faite. La lune monta au zénith et la clarté fit pâlir la lueur du brasier. Des reflets mi-rouges, mi-dorés se posaient sur les hommes et sur les choses. C'était une nuit merveilleuse. Le bruit qui montait de notre campement présentait un contraste saisissant avec le calme et le profond sommeil de la savane. J'offris mon bras à Liliane et je longeai le bivouac avec elle. Nos regards se détournaient du brasier pour se perdre dans l'espace, vers le vague des plantes élancées, argentées par la lune et mystérieuses comme des fantômes. Nous errions ainsi lorsqu'auprès du feu, deux Highlanders écossais firent résonner sur leur lutte une mélancolique chanson de leur montagne, « Bonnia Dundee ». Nous nous arrêtâmes pour écouter à distance. Tout à coup, je regardai Liliane. Elle baissa les yeux et, comment cela se fit-il, je pris sa main et la pressai fortement contre mon cœur. En même temps, son petit cœur à elle battait si fort que je pouvais le sentir. Tous deux, nous étions tremblants à cette révélation qu'un lien particulier s'était formé entre nous et qu'il modifiait complètement nos relations. J'étais comme saisi et porté par une vague puissante. J'oubliais que la nuit était si claire, qu'à proximité il y avait un grand feu autour duquel des gens étaient assis, et je n'avais qu'un désir, tomber aux pieds de Liliane et ne plus la quitter des yeux. Elle, bien que tout d'abord elle se fût serrée contre moi, détournait maintenant la tête comme si elle cherchait à cacher son visage dans l'ombre. J'essayais de parler, mais cela me fut impossible. Il me semblait qu'une autre voix que la mienne retentirait, et que si je prononçais le mot « aimer », je tomberais à terre. J'étais jeune encore, timide, et je savais parfaitement que si une fois je disais « je t'aime », un rideau se baisserait sur tout mon passé, une porte se fermerait, alors que s'en ouvrirait une autre, par laquelle j'entrerais dans un monde tout nouveau pour moi. Bien que par-delà le seuil j'entrevis le bonheur, j'hésitais cependant, peut-être aveuglé que j'étais par la lumière jaillissant par cette porte. Puis, si les mots « je t'aime » cherchent à s'échapper, non pas des lèvres, mais du cœur, il n'est pas facile de les dire. J'eus seulement le courage de serrer plus fortement contre ma poitrine la main de Liliane et je me tus. Je n'osais pas parler d'amour et ne voulais pas aborder un autre sujet. Cela, d'ailleurs, m'eût été impossible en un pareil moment. Nous finîmes par lever tous deux la tête vers le firmament et regarder les étoiles comme on le fait quand on prie. Une voix m'interpella et nous revînmes sur nos pas. La fête était terminée. Pour clore dignement cette joyeuse soirée, les émigrants se mirent à prier. Les hommes se découvrirent et, bien qu'étant de confessions différentes, nous nous agenouillâmes tous et chantâmes le psaume errant dans le désert. Le spectacle était des plus originaux. Dans les intervalles des versets, un silence si complet régnait qu'on entendait le pétillement des brasiers et le fracas lointain des chutes d'eau. Placé près de Liliane, je la regardais à deux reprises. Ses yeux levés vers le ciel étaient illuminés, ses cheveux étaient répandus en désordre sur ses épaules. On eût dit un ange devant lequel on eût pu s'agenouiller. Après la prière, chacun se retira. Comme à l'ordinaire, j'inspectais les sentinelles et j'allais également me coucher. Mais ce soir, lorsque les moustiques me chantèrent de nouveau la chanson coutumière « Liliane, Liliane, Liliane », je savais que là-bas, sous la bâche d'un chariot, dormait la prunelle de mes yeux, l'âme de mon âme, et que dans l'univers entier, il n'y avait pour moi aucun être plus cher que cette jeune fille.